Unité 21. Conversation. Écoutez. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que j'ai trouvé quelque chose pour toi. Ah oui? Dans les petites annonces? Oui. On cherche des ingénieurs commerciaux débutants. Montre un peu. Où est-ce? Ici. Je pense que tu peux faire l'affaire. Pourquoi n'écris-tu pas à l'adresse indiquée? Tu as raison. Mais je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Tu peux toujours répondre. Ça ne coûte rien. Ce que tu dis est vrai. Répétez. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? 2. Je crois que j'ai trouvé quelque chose pour toi. 3. Ah oui? Dans les petites annonces? 4. Oui, on cherche des ingénieurs commerciaux débutants. 5. Montre un peu. Où est-ce? 6. Ici. Je pense que tu peux faire l'affaire. 7. Pourquoi n'écris-tu pas à l'adresse indiquée? 8. Tu as raison, mais je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions. 9. Tu peux toujours répondre. Ça ne coûte rien. 10. Ce que tu dis est vrai. Répondez. Répétez. 11. Qu'est-ce qu'il y a? 12. Je crois que j'ai trouvé quelque chose pour toi. 13. Ah oui? Dans les petites annonces? 14. Oui, on cherche des ingénieurs commerciaux débutants. 15. Montre un peu. Où est-ce? 16. Ici. Je pense que tu peux faire l'affaire. 17. Pourquoi n'écris-tu pas à l'adresse indiquée? 18. Tu as raison, mais je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions. 19. Tu peux toujours répondre. Ça ne coûte rien. 20. Ce que tu dis est vrai. Écoutez. Que fais-tu? Je lis l'article de Coudert sur le match d'hier. Que dit-il? Il dit que les Français ont bien joué. C'est ton avis? Oui, je pense qu'il a raison. Mais nous avons manqué bien des occasions, non? Ça, d'accord. Mais je crois que nous pouvons pourtant être fiers de notre équipe. Répétez. 21. Que fais-tu? 22. Je lis l'article de Coudert sur le match d'hier. 23. Que dit-il? 24. Il dit que les Français ont bien joué. 25. C'est ton avis? 26. Oui, je pense qu'il a raison. 27. Mais nous avons manqué bien des occasions, non? 28. Ça, d'accord. Mais je crois que nous pouvons pourtant être fiers de notre équipe. 29. Que fais-tu? 30. Je lis l'article de Coudert sur le match d'hier. 31. Que dit-il? 32. Il dit que les Français ont bien joué. 33. C'est ton avis? 34. Oui, je pense qu'il a raison. 35. Mais nous avons manqué bien des occasions, non? 36. Ça, d'accord. mais je crois que nous pouvons pourtant être fiers de notre équipe. Écoutez. Croyez-vous qu'il va faire beau ce week-end? Les prévisions météo ne sont pas encourageantes. Vous avez des projets? Oui, nous avons projeté d'aller une dernière fois à la plage. Qu'en pensez-vous? C'est une bonne idée, mais ça dépend du temps. Répétez. 37. Croyez-vous qu'il va faire beau ce week-end? 38. Les prévisions météo ne sont pas encourageantes. 39. Vous avez des projets? 40. Oui, nous avons projeté d'aller une dernière fois à la plage. 41. Qu'en pensez-vous? 42. C'est une bonne idée, mais ça dépend du temps. Répondez, répétez. 43. Croyez-vous qu'il va faire beau ce week-end? 44. Les prévisions météo ne sont pas encourageantes. 45. Vous avez des projets? 46. Oui, nous avons projeté d'aller une dernière fois à la plage. 47. Qu'en pensez-vous? 48. C'est une bonne idée, mais ça dépend du temps. Écoutez. 49. Tu as su que Jacqueline a eu une deuxième fille? 50. Ah bon? Ils doivent être contents. 51. Leur as-tu téléphoné? 52. Non, je pense qu'il vaut mieux envoyer un télégramme. 53. Tu crois? 54. Oui, et dimanche, nous pouvons passer la voir. Répondez, répétez. 55. Tu as su que Jacqueline a eu une deuxième fille? 56. Ah bon? Ils doivent être contents. 57. Leur as-tu téléphoné? 58. Non, je pense qu'il vaut mieux envoyer un télégramme. 59. Tu crois? 60. Oui, et dimanche, nous pouvons passer la voir. Écoutez. 61. Dans 2 mois, nous sommes en vacances. 62. C'est vrai, il faut penser à réserver quelque chose. 63. Nous pouvons aller à la montagne? Ça te plaît? 64. Non, il vaut mieux aller à la mer. 65. Mais pourquoi pas à la montagne? 66. Le médecin m'a dit que Paul a besoin d'air marin. 67. C'est d'abord à lui que nous devons penser, non? 68. Tu as raison. C'est ce qu'il faut faire. Répondez, répétez. 69. Dans 2 mois, nous sommes en vacances. 70. C'est vrai. Il faut penser à réserver quelque chose. 71. Nous pouvons aller à la montagne? Ça te plaît? 72. Non, il vaut mieux aller à la mer. 73. Mais pourquoi pas à la montagne? 74. Le médecin m'a dit que Paul a besoin d'air marin. 75. C'est d'abord à lui que nous devons penser, non? 76. Tu as raison. C'est ce qu'il faut faire. Écoutez. 77. Frédéric a-t-il de bons résultats à l'école? 78. Non. Ses résultats ne sont pas excellents. 79. Qu'en pensent ses professeurs? 80. Ils croient qu'il ne travaille pas assez. 81. Tu es de cet avis? 82. Non, je suis sûr qu'il s'applique. 83. Croit-il passer en troisième à la fin de l'année? 84. Oui, il croit qu'il n'y a pas de problème. Répondez, répétez. 85. Frédéric, a-t-il de bons résultats à l'école? 86. Non, ses résultats ne sont pas excellents. 87. Qu'en pensent ses professeurs? 88. Il croit qu'il ne travaille pas assez. 89. Tu es de cet avis? 90. Non, je suis sûr qu'il s'applique. 91. Croit-il passer en troisième à la fin de l'année? 92. Oui, il croit qu'il n'y a pas de problème.